que le cours. Barakallahu fikoum, je vous laisse le micro et les textes. Allez-y. Non, donc oui, Oumar Abdellah, non, il y a une question, oui. C'est quoi le titre? Alors, Oumar Abdellah Tabouchia, c'est quoi le titre de l'épître? C'est-à-dire que le. Non, l'épître, c'est-à-dire que le texte du cher du cher à Mohamed. Astaghfirullah, je parle. Bon, voilà, donc Oumar Abdellah a une question, oui, il n'y a pas de problème. Alors, Oumar Abdellah Taroushi, le titre de l'épître, alors de l'épître, c'est-à-dire que pas la compilation, la compilation des épîtres que j'ai donné, c'est At-Tawhid wa ma yudadduhu wa takfir, d'accord? Mais le titre de l'épître qu'on vient d'étudier ici, mais je n'ai pas fini cette annotation, les annotations, on les finira demain, c'est donc le cheikh Mohamed Al-Wahhab a dit. Asluddin wa qa'idatuhu amran. La base de la religion, wa qa'idatuhu et sa règle, où on peut aussi comprendre le mot par qa'ida, sa base, d'accord? Et deux affaires, c'est ça le titre de l'épître. C'est très court. Et après, ce sont deux phrases, donc c'est la première affaire, c'est quoi? La deuxième affaire. Voilà. Concernant le désaveu, qu'en est-il d'un musulman qui a des proches, donc de la famille mécréant? Quelles sont les limites autorisées concernant l'amour pour cela? Oui. Alors, comme je l'ai dit, il y a des limites. Détester les mécréants, il y a des limites, il faut faire attention. Comme vous le savez, l'oncle du prophète Abu Talib est mort sur la mécréance alors qu'il défendait le prophète et sa religion. La religion de l'islam, il est mort mécréant et ceci a beaucoup peiné le prophète. Donc ça prouve qu'il avait des sentiments pour lui, on peut donc dire de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour religieux, d'accord? C'est de l'amour qui touche plus la fitra, la chose innée. Dans le Sahih Muslim, on trouve aussi ceci. Dans le Sahih Muslim, comme on le verra un peu plus tard, le prophète est allé sur la tombe de sa mère et il a pleuré. Ensuite, il a fait pleurer ceux qui étaient autour d'eux. D'accord? Donc, quand on pleure, c'est qu'on est touché dans le cœur. D'accord? Et ensuite, il a dit à ses compagnons, j'ai demandé deux choses à mon Seigneur, il m'a refusé une et il a accepté l'autre. Je lui ai demandé la permission de demander pardon à ma mère, et il l'a refusé. Et j'ai demandé l'autorisation de visiter la tombe de ma mère, donc, et il a accepté. Donc on voit déjà que le prophète avait de l'amour pour sa mère, bien qu'elle était morte mécréante, qu'Allah nous en préserve. Et que ceci ne l'a pas empêché de demander à Allah de visiter sa tombe, alors qu'elle était mécréante. Donc il est autorisé, comme c'est dans le Sahih de Muslim et l'explication de Nawawi, rahimahullah, dit bien dans l'explication de ce hadith, qu'il est autorisé de visiter les tombes de sa famille mécréante parce que le prophète a demandé, on l'a autorisé, et encore plus s'ils sont vivants. D'accord? Et on voit aussi que là, le prophète a pleuré, donc a eu de la peine dans son cœur que sa mère, en fin de compte, enfin, qu'il ait eu vraiment la connaissance par la wahi, par la révélation, que vraiment elle était morte mécréante. Autre chose aussi, hein. Autre preuve comme quoi, en fin de compte, des fois on peut avoir un amour pour le mécréant, mais c'est pas toujours très facile à gérer. C'est comme vous le savez, le musulman, pas la musulmane, mais le musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne. Là, il y a des conditions plus ou moins comme on va voir plus tard. Hein, d'accord? Mais on peut dire que si le musulman habite dans un état islamique, donc là où la charia est en place, légiférée, là il n'y a pas de problème dans les quatre écoles, et là, le musulman peut se marier avec une chrétienne ou une juive. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, comment une personne, un musulman, peut se marier avec une mécréante s'il doit en plus la détester? Ça va être l'enfer dans le couple. D'accord? Donc là, on comprend qu'il y a aussi ce que je vous appelais un amour de la fitra, d'accord? Et non pas un amour de la religion qui peut s'installer. Et je vais lire sur ceci, Inch'Allah, dans Surat Luqman. Surat Luqman, et c'est le verset 15. Allah Azza wa Jal dit ceci. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Donc Allah Azza wa Jal parle des deux parents, du père et de la mère. Et il dit ceci, hein. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et donc si les deux, donc ton père et ta mère, font le djihad, c'est-à-dire font des efforts, luttent, toi, lutte contre toi, ala antoshé kabil, à ce que tu m'associes quelque chose, malaise la kabiril, dans ce quoi tu n'as pas de connaissance, falat otiahuma, alors ne leur obéis pas. D'accord? Donc si nos deux parents sont mécréants et nous, et font le djihad contre nous, donc nous combattent pour mécroire, nous ne devons pas lui obéir, leur obéir. Et après Allah, mais attention, Allah Azza wa Jal, juste après, il dit quoi? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les, donc accompagne les deux, le père et la mère, dans cette vie présente, marufa, est d'un bon comportement. D'accord? Et ça, notamment, c'est spécifique pour les deux parents. Il faut faire attention aux deux parents, même s'ils sont mécréants, il faut notamment les respecter. Et si jamais ils nous poussent à la mécréance, avec eux spécifiquement, il faut absolument bien se comporter. On ne va pas obéir. On n'obéit pas à personne quand une personne nous ordonne de désobéir à Allah, surtout encore plus si c'est pour désobéir dans le shirk, dans le devenir mécréant, là on n'obéit pas. Mais par contre, nous, les deux parents, on reste très courtois avec eux. Voilà, j'espère que j'ai assez bien, Inch'Allah, répondu à la question qui a été posée sur ceci. C'est pas de ceux qui invoquent les morts au début. Quel est le hukm de ceux qui demandent aux morts d'invoquer pour eux? Très bonne question. Ismama 59. Donc tu parles de ceux qui invoquent les morts au début. Quel est le hukm de ceux qui demandent aux morts d'invoquer pour eux? Alors, sachez qu'il y a des divergences sur ceci. Est-ce que ou non c'est du kufr akbar ou pas? D'accord? Et ça, on verra ça, Inch'Allah. J'aimerais bien que cette question me sera posée, mais plus tard, parce qu'il va falloir que je développe. Et là, ça va prendre du temps. Mais c'est une très bonne question. Et j'aimerais bien notamment citer les Dalils, notamment par rapport à certains savants comme Ibn Kathir, dans son tafsir et autres. Mais ça, je ne peux pas. Je répondrai juste qu'il y a des divergences. Voilà, il y a. Et parmi les savants qui ne sont pas de cette époque, qui sont d'avant. Hein. Certains disent que même ça, c'est du grand shirk, et ceci n'est pas du grand shirk. On étudiera, Inch'Allah, ceci en détail, mais plus tard, ça prend du temps et ça va venir, Inch'Allah. Et si jamais, quand on va étudier le shirk de Dora, le shirk dans la vocation, et que j'ai omis de dire ça, donc ça serait bien que Ismamak 59 ou un autre me le rappelle. On étudiera ça, Inch'Allah, en détail. Comme ça. Alors, Abu Anfal 21. Est-ce que faire le takfir de ceux qui ne font pas le takfir des mouchiks ou de kafir et qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur leur kouf, est-ce un fondement de la religion? Oui, d'accord. Bon, donc si on prend ce que vient de dire le cher Mohamed Wahab, rahimahullah, ça fait partie de As-Din, encore et tout, le fondement de la religion et sa base. D'accord, de faire le takfir de celui qui a délaissé, d'accord. Mais là, la question, est-ce que le fait de ceux qui ne font pas le takfir des mouchriks, il n'a pas dit ça ici, le cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, donc le faire le takfir de ceux qui ne font pas le takfir des mouchriks. J'espère que vous avez suivi, pour certains qui n'ont pas trop compris, parce que ça, c'est un problème qui est posé, notamment pour ceux qui utilisent un peu plus le tawhid. Le faire le takfir sur la personne, celui qui fait le shirk, ça fait partie du fondement. Mais de faire le takfir sur celui-là qui ne fait pas le takfir, là, on commence un peu à s'éloigner. D'accord? Ma question, n'y a-t-il pas de différence entre le mécréant d'origine et celui qui se réclame de l'islam concernant le désavé des mouchikines et leur takfir? C'est ceci que vous dites? Je vais répéter la question. Ma question est, il n'y a pas de différence entre le mécréant d'origine, donc le mécréant d'origine, on va dire par exemple le chrétien, celui qui est né dans une famille chrétienne ou juive par exemple, et celui qui se réclame de l'islam concernant le désaveu des mouchtikines et leur takfir. C'est ceci que vous dites? C'est une question qui m'est posée. Là, j'ai pas trop compris la fin de la question. Pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas de différence? Car beaucoup de personnes disent que le seul takfir des mécréants d'origine qui entre d'enfants et non le takfir des mouchrikines, c'est l'islam. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment compris la question, j'ai peur de mal la comprendre. Hein. Vous me dites pourquoi il n'y a pas de différence? Car beaucoup de personnes disent que le takfir des mécréants d'origine qui entre d'enfants et non le takfir des mouchrikines, c'est l'islam. Je peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas compris la question. Je suis désolé. Si vous pouvez la reformuler, ça sera bien. J'ai pas lu entre dedans. Désolé. Ah, c'est peut-être ça qui fait que je comprends pas. Qui entre dedans. Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas de différence? Car beaucoup de personnes disent que le seul takfir des mécréants d'origine qui entre dedans et non, le takfir des mouchrikines. Là encore, j'ai du mal à comprendre le sens voulu exact de la question. Omar Obadelda, j'essaie de reformuler la question. Barakallahu fikoum. Abou Tamim, on peut voler un mécréant pour quelles raisons valables? Abou Tamim, d'accord. Ben on n'appellera pas ça du vol. Comme je l'ai dit, ah là là, ça, on étudiera ça, Inch'Allah, dans le chapitre du djihad. Si, par exemple, comme ça s'est passé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les musulmans de Médine n'avaient pas de pacte avec les mécréants de la Mecque, d'accord, on est bien d'accord, que faisaient les musulmans? Eh bien, ils attaquaient les mécréants, les mouchtikoun, les associateurs de la Mecque, pour prendre leur argent, pour prendre leur caravane. Et d'où la bataille de Badr. D'accord? D'où la bataille de Badr. Relisez bien les livres de la biographie du prophète, et la cause de la bataille de Badr, c'était quoi? C'était seulement dans un but d'aller prendre l'argent d'une caravane qui revenait du Cham, donc qui revenait de Syrie et de Palestine, d'accord? Qui appartenait des gens aux mécréants de la Mecque, et qui revenait de là-bas, qui allait à la Mecque. Et d'accord? Et le prophète a ordonné d'aller prendre, je n'ai pas employé le mot voler, parce que le voler, c'est autre chose, mais d'aller prendre l'argent de ces mécréants. D'accord? Donc voilà. Quand un musulman n'a pas de pacte avec un mécréant, eh bien là, il peut prendre son argent. Et ce n'est pas du vol, on ne lui coupe pas la main ni rien. Par contre, s'il a un pacte avec ce mécréant, il n'a pas le droit de prendre son argent. Comme par exemple, un mécréant qui vit dans un pays où il y a la chégara et qui paye la jizya. C'est totalement interdit de prendre son argent, même un centime, hein, même pas que de le tuer, même de le frapper. C'est totalement interdit. Hein. J'espère que j'ai répondu à la question de Abou Tamim. On peut voler un mécréant pour quelle raison valable? Je l'ai donné quand il n'y a pas de pacte, tout simplement. Et on étudiera, Inch'Allah, dans le fiqh, Bismillah, quand est-ce qu'on a un pacte et quand est-ce qu'on n'a pas de pacte avec les mécréants, avec les koufars. Question sur le cours du Tawhid, Akhi. Oui. Celui qui n'a pas de question. Donc, c'est Moubaïa qui répond. Bon, je laisse répondre. Bon. Afwan. Oum Sophie, pardon. Exact. Pour Sophie, excuse-moi. Faye. Isma 59, elle faye. Alors, je pense que avec le 3 qui est à la fin, je pense que c'est elle faye qui est. Qui est